Beaucoup de mots qui en français se terminent en ence et ance sont semblables en espagnol. Ainsi, de nombreux mots français qui finissent en ence, comme différence, en espagnol finissent en encia, encia. Et de la même manière, beaucoup de mots français en ance font ancia en espagnol, amphia. Notez bien qu'on doit entendre le n dans amphia et amphia, parce que en espagnol, il n'existe pas de son en, donc en se prononce n et an se prononce an. Alors, différence se dit Differencia. Differencia, c'est ça. Il faut qu'on entende bien le N, differencia, qui s'écrit avec un seul F, car le double F n'existe pas en espagnol. Donc, différence, differencia, avec un seul F. Vous pouvez le redire? Differencia. Très bien, differencia. Et importance, ça sera? Importancia. Importancia, d'accord. Et influence? Influencia. Influencia, avec le son O et non U. Préférence? Preferencia. Bien sûr, preferencia, mais en insistant à l'oral sur l'avant-dernière syllabe. Preferencia. Et la différence? Là, se dit tout simplement là. Donc, la différence se dit la diferencia. La diferencia. Et une différence, c'est una diferencia. Una, qui s'écrit U-N-A. Hein, car le U se prononce toujours U en espagnol. Donc, une différence, una diferencia. Et quelle différence se dira? Quelle se dit de la même manière que qu'est-ce que? Alors, quelle, hein, quelle se dit? Que? Que? Quelle, oui. Différence? Diferencia. Que diferencia? Donc, encore une fois, la préférence, c'est? La diferencia? Préférence. Oui. La preferencia? Oui, redites-le encore une fois. La preferencia. Bien, la preferencia. Oui, c'est ça. On accentue l'avant-dernière syllabe. Preferencia. La preferencia. Une préférence, c'est? Una preferencia. D'accord. Una preferencia.